Nayem belion zembo hoyo la rue Ezalim pelite ya Horizon Massamba tu m'es placé d'un coup Yebisa masa bombelinga Naina yoki pe mingi bazali koke bisanga Soki yoko bomba mbe Oyezana kate amotema na yo Yebi kaka yo Yebisa la rue Yoko misinga loko la zoba Ibaleza liye loko alise kite Soki ozwi engagement mososo Ngaina tika anga mpobo moi bwa moto Mbaso mbakate Na yako tika mokili sebo epaili kameko ute banate Na yembeli onzembo hoyo la ri Izali pelite ya mpona yo Aki seza leli ya mwasi alibala o Aje pesie pusani Jean Mayel, JDK de Kor, Luxen Mouseng et Moutomonen, Guy Song, Guy Luemba, Richard Luemba, Combo na Ebandina A, et Soukina E, nom propre na Ebandina M, et Soukina A, Eric Kenzo, Luke Bobang et Monsieur Dolce Cabana, Clara de Bruxelles, Naïebi Sakabango, Télé Mabiso Banso na Mazantom, Gaspard, na José de Riviera, au côté de la Tanga. Naïe Bellion Zembo Yo la rue, Isali Pelite ya Mponayo, la qui se salé, la moi se ali balao, a GPC Poussani. Naïe Bellion Zembo Yo la rue, Isali Storia ya Brea yo anga, Nengo sali noko salame. Sungu Mokolo koyo kanga Eske yo kolela Tamango na mabo kamanda Eske yo kozala Sango na nga matoy mayo Lukola mobaya Yo Yo Endo dinganga Mama lo papi na na na bala na kumba ngambo. Ah, Mama Denise. Ya Denis Lokasa ya Mbongo. Ya Jadi Matebo. Bolingo Basomba Cartel. Bamema Basi. Ba boîte. Basombe la bamba champagne du 18e siècle. Bajibi a 20 ans d'âge. Souka souka basenga ba mouka kamar. Maya mouka sinanyo. Ah, grand maître Mampouye. Jean Bobo Bing. Bébé Mafuta. Alexandre Pambou. Congo Rapide Ireman. Caps Kapangala. Trabé Matadi. Louison Polondo. Et Jeune Malaba. Soke Zalagi Bino Bolinabo Salandengenin. Aïde Sungu au service de la nation. Diosiane, Wabanko, Pendo Dinganga, Toluka Atope Sava Mama Oya Fidèle, la diplôme ya mariage. Même Joël Photo, Staff Amiki, et Mambo de Panama Staff Akin, c'est lui Ambrose le Magic, Epsa Kinga Naïbisa, Oboule Yondela, Adios et Bongo Mpasi, Léonela. Voir même Clément Bilongo, maillot jaune, Tonino Fernando, Didier Six, Médard Sim, Mimi Mambo, même ça y a que bien, à taza n'a pas ça voyant mon corps, voyant la été parce que possibilité vous à la terre, vous allez m'en beaucoup plus. Jean 120, Jean-Claude Kimbembi, Roger Vemba, Yo Martin Mampangu, parce que je ne vais pas autant m'en aller sans moi. Sacré Pouloulou, Ange Miclair, Jason Sana, oui papa et Sakamoke, Maki Alibozo Bamboa Balia Kimé, Yambala Oyoba Oyate, Mama Vali, Alphonse Mavuela, Christian Mbam, Ricardo Elumbo, Hérité Itel, Wolf, Okamata Mamama Bokota na piste. Ah, Mijan, Maloubombo Kanamo Fleury, Brigitte Kinsi. Nabigel Isolan Weza et Panamino, Azor Lobelatro. La maquise, Fogi Toro, Colo Mabele, Boambomba.